Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous à chaque semaine. À vous offrir comme ça l'excellence de la musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va entendre entre autres du Beau Séjour, du Joannie Benoît, Sandra Lecouteur, l'album La Semaine, Brigitte Leblanc. Mon cœur est une île, très bon album. On va entendre également du Garou Lou, j'ai aussi du Mélissa Ouimet, les Soliloques à vous présenter. Côté instrumental, Christine Tassane et les Imposteurs. Aussi Étienne Beausoleil, un gars de la région de la Baie-Georgienne en Ontario. On va entendre aussi Isabelle Longnus, Véronique Trudel, il y aura aussi Suzanne Kennelly et bien d'autres. Restez là, comme à l'habitude, je commence avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bien le bonjour, ici Lalonde des ondes, très content d'être avec vous et comme à l'habitude en début d'émission, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça là, de vous offrir deux heures de musique franco-canadienne. Amélie Barbeau du réseau RFA de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chiticamp, WIFM 98 Halifax, CIFA B Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, CJPN Fredericton et CHQC Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. On va commencer, si vous voulez bien, avec deux chansons souvenirs de accro de la chanson. Soit en 2013, Noémie Auffray-Jones nous offrait la pièce « Sans toi ». Et aussi en 2014, eh bien, c'est Isabelle Pelletier qui nous offrait la chanson « Retrouver la lumière ». Ça va être de très beaux souvenirs. Tout ça, avant, j'aimerais vous dire que Accro 16 de 2020 aura lieu la finale sur le Facebook. Allez voir sur ma page Facebook de Canrock, vous avez toute l'information. Vous avez le lien pour Accro de la chanson 2020. Et cette année, il y a Aiden Egersoll, le groupe Amé. Il y a Samuel Mallet qui est là. Il y a aussi Evan Horizon et Emma Raymond sont les finalistes de cette année. Le lancement aura lieu le 8 juin sur l'Internet, sur Facebook, sûrement sur la page Accro de la chanson, à 18h, c'est-à-dire peut-être 17h, heure de l'Est, et aussi dans l'Ouest, bien, calculer le temps, là, mais ça va être génial. On se rappelle le beau souvenir, sans toi, Noémie Auffray-Jones. Je suis seule dans l'oubli, le temps passe, me dépasse, je suis figée dans le moment. Tourbillon autour de moi, paralysé, l'écho de ta voix résonne encore dans le silence. Sans un mot, je suis peut-être sombre, il donne raison au soleil. D'une manière ou d'une autre, tout aura ses propres merveilles. La beauté n'est pas matérielle, c'est bien plus loin que ça. Si on regarde un peu plus creux, j'en suis sûre tu comprendras. On ne doit jamais juger un livre par son couvert. On doit lui donner la chance pour apprendre son histoire. Si on tend à retrouver la lumière, on sera dans un monde enchanté. Rien peut nous décevoir. Si on regarde que l'extérieur, non, ce qui est plus profond, on ne trouvera pas ce qu'on cherche. On ne trouvera qu'une leçon que tout illumine à sa manière. Tout aura sa perfection, tout pris dans sa lumière. Il nous manque la perception. On ne doit jamais juger un livre par son couvert. On doit lui donner la chance pour apprendre son histoire. Si on tend à retrouver la lumière, on sera dans un monde enchanté. Rien peut nous décevoir. L'incroyable se cache en tout. Si un jour tu pouvais réaliser le merveilleux ne sera jamais en vue avec les yeux fermés. Et on ne doit jamais juger un livre par son couvert. On doit lui donner la chance pour apprendre son histoire. Si on tend à retrouver la lumière, on sera dans un monde enchanté. Rien peut nous décevoir. Trouver la lumière. On pourra entendre sûrement les finalistes de Accro de la chanson 16, Accro de la chanson 2020. Comme je vous disais, le 8 juin, sûrement sur la page Accro de la chanson sur Facebook. Allez voir ma page Facebook de Canrock, CANRDIONROCK. Vous avez un lien qui est là. Et j'ai bien hâte d'entendre ça. J'ai bien hâte d'entendre le produit de ces jeunes artistes-là, qui vont sûrement être les grands artistes de demain, hein, qu'on pense aux Hey Babies, qu'on pense à Maxime McGraw, qu'on pense à aussi Joanie Benoit et bien d'autres comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Ce qui est génial, c'est qu'à l'automne, je pense que c'est en septembre, il y aura le gala, le 8e gala country au Québec. Et cette année, pour 2020, eh bien, il y a le groupe Beau Séjour. Moi, je ne suis pas surpris parce que c'est du Moses de bon stock. Beau Séjour, 5 nominations. Danny Boudreau, je pense qu'il y en a 8 au total. Donc, vraiment, là, c'est génial. Si vous allez sur ma page Facebook de Canrock, vous avez les liens là, pour ces différentes nominations-là. Je suis bien content pour Beau Séjour, un album génial. Beau Séjour, si vous ne le savez pas encore, c'est Danny Boudreau du Nouveau-Brunswick et aussi Jocelyne Baribeau du Manitoba. Ensemble, ils forment Beau Séjour. Ils ont sorti un album remarquable et on va entendre une première pièce qui est tout simplement la chanson Lucille Star, qui est vraiment là, une très belle chanson qui donne vraiment le son de l'album. C'est génial. Par la suite, on va écouter une chanson de M. Daniel Gauguin, qui lui va nous offrir les Backroads. Ben, cet album-là, ça fait déjà 5 ans à peu près. C'est sorti en 2015-2016, je ne me trompe pas. Je pense que c'est 2015. Ça fait déjà 5 ans, cet album-là. C'est un excellent album de Daniel Gauguin. On va entendre la pièce-titre dans quelques instants.

Et là je hausse le volume sur une chanson de Conway Twitty. Là ça me tente vraiment de continuer le party. Parce qu'il fait beau dans les back rows. On chante tout haut avec la radio. Y'a pas de stress, c'est la liberté. Y'a pas de presse pour s'en aller. Juste une gang de chums qui sait comment avoir du fun. Y'a pas de presse pour s'en aller. Juste une gang de chums qui sait comment avoir du fun. Ouais, il fait beau dans les back rows. On chante tout haut avec la radio. Y'a pas de stress, c'est la liberté. Y'a pas de presse pour s'en aller. Just a gang de chums qui sait comment avoir du fun. On est une gang de chums et on sait comment avoir du fun. Un auteur, compositeur, interprète que je suis depuis plusieurs années, Daniel Gauguin, toujours excellent comme musique, surtout très country, mais un country assez intéressant, un peu traditionnel. Mais bien fait, très beau timbre de voix aussi. Donc Daniel Gauguin, la pièce-titre de son album qui est sorti en 2015, Les Backroads, oui. Écoutez, si vous allez sur ma page Facebook, il y a aussi un petit segment que j'ai partagé comme ça, en confinement, souvent les artistes font différentes prestations. Et il y a le COVID Show qui présente différents artistes acadiens comme ça. Et le COVID Show cette semaine avait la charmante Joanie Benoît, que j'adore. J'écoute et puis j'ai des frissons. J'adore sa voix. J'adore sa simplicité, sa sincérité. Vraiment une femme très charmante aussi que j'ai rencontrée au Contact Ontarois. Donc, vraiment, on va entendre une bonne pièce qui s'appelle « Les éclats », tirée de son album « Le feu de Bengale ». Elle travaille en ce moment ou commence à travailler sur un troisième album. C'est à suivre. Parlant de trois, mais pas troisième, mais quatrième album, il y a Sandra Lecouteur qui, elle, son album va très bien. Et la chanson de Pierre Flynn qui s'appelle tout simplement Presque une histoire, assez intéressante comme pièce. Ça va bien sur les palmarès. Je suis bien content pour Sandra. Donc, qu'elle ait, elle aussi, une très belle voix. Mais pour l'instant, voici Les éclats, Joanie Benoît. Et de mots dans tous mes états. de croire et de si, de temps, de demain, dans toutes mes cinq heures, nous saurons nous dire bonheur. Presque attendu.